Lubin ou lupin. Les lupins ou lubins sont des animaux fantastiques qui, la nuit, se tiennent debout le long des murs et hurlent à la lune. Ils sont très peureux et si quelqu'un vient à passer, ils s'enfuient en criant « Robert est mort ! Robert est mort !» Maurice Sand. Il ne faut pas trop regarder les grands murs blancs au crépuscule, encore moins au clair de la lune. On pourrait y voir la hure. En Normandie et dans plusieurs autres provinces, la hure se promène le long des treilles. On ne sait guère à quelle intention, si ce n'est pour empêcher les enfants d'aller voler le raisin. Elle serait donc au nombre de ces esprits gardiens qui descendent en droite ligne ainsi que les autres fadets domestiques, des lares vénérés de l'Antiquité. Quoi qu'il en soit, la hure est fort vilaine, et il y aurait de quoi mourir de peur si on s'obstinait à étudier son profil reflété sur les murailles. Les Grecs et les Romains avaient l'imagination riante. Ils peuplaient de charmantes divinités les arbres, les eaux et les prairies. Le Moyen-Âge a assombri toutes ces bénignes apparitions. Le catholicisme, ne pouvant extirper la croyance, s'est hâté de les enlaidir et d'en faire des démons et des bêtes pour détourner les hommes du culte des représentants de la matière. Cependant, il n'a pas réussi à les rendre tous haïssables et pernicieux, et bon nombre des esprits de la nuit sont demeurés inoffensifs. C'est bien assez qu'ils aient consenti à revêtir des formes bizarres et repoussantes qui les empêchent de séduire les humains. Les lubins sont de cette famille. Esprits chagrins, rêveurs et stupides, ils passent leur vie à causer dans une langue inconnue le long des murs des cimetières. En certains endroits, on les accuse de s'introduire dans le champ du repos et d'y ronger les ossements. Dans ce dernier cas, ils appartiennent à la race des lycanthropes et des garous et doivent être appelés lupins. Mais chez les lubins, les mœurs s'adoucissent avec le nom. Ils ne font aucun mal et prennent la fuite au moindre bruit. En certaines localités, le lubin est un très bon diable qui protège les laboureurs. Cependant, il ne vaudrait rien de s'aboucher avec eux. Ils ont un certain mystère à l'endroit de Robert le Diable ou de tout autre Robert dont on a pu saisir la légende, et ce mystère a peut-être pour châtiment l'humiliation d'une figure horrible et l'angoisse du perpétuel tourment de la peur. Sont-ils les descendants des fameux frères lubins et loups-garous de Rabelais? Qui sera assez épris de ses recherches étymologiques pour aller le leur demander? Je ne sais si c'est au lupin que le petit tailleur bossu de Saint-Beau eut affaire. On le croirait d'après les circonstances de son histoire. La voici telle que j'ai pu la recueillir. Un soir que notre bossu passait le long du cimetière, il y vit une bande d'esprits en forme de laides bêtes qui ressemblaient à des chiens noirs ou à des loups et que, pour faciliter notre récit, nous appellerons lupins, bien qu'il ne nous ait été désigné sous aucun nom particulier. Soit que ces esprits bêtes fussent d'une race plus hardie que les lubins et lupins ordinaires, soit que le tailleur fût si laid, qu'il ne leur fit pas l'effet d'un chrétien. Ils ne bougèrent tout le temps qu'il passa devant eux. Ils se contentèrent de le regarder avec leurs yeux qui brillaient comme du sang de feu et à ouvrir leur vilaine gueule qui avait si mauvaise haleine que le tailleur en fut empesté. Pourtant, comme il avait grand peur, ne les ayant aperçus que lorsqu'il était au milieu de la file et qu'il avait autant de chemin à faire pour reculer que pour avancer, il n'osa point risquer de les offenser en se bouchant le nez. Il passa en faisant le gros dos, encore plus qu'il n'en avait l'habitude. Ce dos courbé plut aux lupins, qui s'imaginèrent que c'était une manière de les saluer, et comme ils n'ont pas l'habitude de voir des gens si honnêtes avec eux, ils en furent fiers et se mirent à tirer tous la langue et à remuer la queue comme des chiens, ce qui est apparemment aussi pour eux un signe de contentement et de fierté. Le tailleur essaya de raconter son aventure, mais tous ses voisins se moquèrent de lui, disant qu'il pouvait bien rencontrer le diable en personne et le faire fuir, vu qu'il était encore le plus vilain des deux. Comme notre bossu allait en journée à une métairie qui était à 3 bonnes portées de fusil du village, et qu'il avait à revenir par le chemin qui longe le cimetière, il se sentit envie de coucher où il était. Mais le métayer lui dit en ricanant, « Non, pas, non, pas. Tu es un compère trop à craindre pour les femmes d'une maison. Je ne dormirai pas tranquille, te sachant si près de mes filles. Si tu as peur pour t'en aller, un de mes gars te fera la conduite. Bois un coup en attendant, car quand ton aiguille s'arrête, ta langue trotte d'une façon divertissante et l'on a du plaisir à écouter ta babille. » En effet, le bossu était beau diseur et plaisant. Le vin du métayer était bon, et notre homme s'oublia jusqu'à 10 heures du soir en si bonne compagnie. Quand il fallut s'en aller, il ne se trouva personne pour le conduire. Tous les gars dormaient debout et, quant à lui, il se sentait si bien réconforté par la boisson qu'il ne craignit plus de se mettre seul en route. Il arriva sans peur jusqu'au grand mur, se persuadant qu'il avait rêvé ce qu'il avait vu la veille et regardant de tous ses yeux, avec la confiance qu'éclaircit par le vin, il ne verrait plus rien que l'ombre des arbres jetée sur le mur blanc par la lune et agitée par l'air de la nuit. Mais il vit les lupins dressés debout devant le mur, absolument comme la veille. « Allons, se dit le pauvre bossu, ils y sont encore. Tant pis et courage, s'ils ne me font pas plus de mal qu'hier, je n'en mourrai pas. » Et il se mit à siffler une chanson, pensant que ces bêtes, ravies de l'entendre, se mettraient en frais de politesse avec lui, en tirant la langue et remuant la queue. Mais ce sifflement, loin de les charmer, parut les inquiéter beaucoup, car l'un d'eux se détacha de la muraille, se mit à 4 pattes et, le suivant, encore qu'il marchât vite, le flaira à l'endroit où les chiens ont coutume de se ferrier les uns les autres pour savoir s'ils doivent être ennemis ou compagnons. Puis vint un second qui en fit autant, et un troisième, et un autre, et tous l'un après l'autre, si bien qu'avant d'avoir dépassé le mur, le tailleur avait toutes ses bêtes à ses brais, et ne sachant point si elles le voulaient manger ou fêter, il sentait ses jambes devenir molles comme des pattes de cousin. On pense bien qu'il n'avait plus envie de siffler ni chanter. Cependant, il avançait toujours, ayant ouï dire que ses bêtes ne quittaient pas la longueur du mur où elles avaient coutume de faire la veillée, et il n'avait plus qu'environ 5 ou 6 pas à franchir, quand elles se mirent toutes devant lui, debout, grondant, puant la rage et montrant des crocs jaunes à faire lever le cœur. « Messieurs, messieurs, laissez-moi passer !» dit le pauvre tailleur en détresse. « Je ne vous veux point de mal, ne m'en faites donc point !» Mais les lupins grognaient de plus belle et même rugissaient comme des lions. Il semblait que la voix humaine les eût mis en grand émoi et en mauvaise colère. Tout à coup, le tailleur eut une idée. « Messieurs, fit-il, ne me mangez point. Je suis maigre et vilain comme vous voyez. Si vous m'épargnez, je jure de vous apporter ici, demain, un mouton gras dont vous vous lècherez les babines. » Aussitôt, les lupins se remirent sur leurs 4 pattes sans maudire, et le tailleur passa, toujours courant, sans regarder derrière lui. Il se jeta au lit, tout transi de peur, et eut la fièvre 8 jours durant sans pouvoir sortir du lit, battant la campagne, et toujours s'imaginant de voir des loups ou des chiens enragés après lui, si bien qu'on fit venir monsieur le curé pour tâcher de le tranquilliser. Mais quand le curé l'eut confessé de sa peine, et bien grondé d'avoir été si lâche que de promettre un bon mouton à ces sales diables, on entendit autour de la maison du tailleur des hurlements abominables, et tout le village put voir sur les murs de cette maison, non pas le corps des lupins, ils n'eussent osé venir si près d'un lieu où était le curé de la paroisse, mais leur ombre si bien dessinée que les cheveux en dressaient sur la tête et que le sang était glacé dans le cœur. On eût dit que cela passait en nuages sur la lune, et on les voyait remuer, sauter, gratter la terre et se mordiller les uns les autres, en figure aussi nette qu'une image peinte sur le pignon du tailleur, voire sur les maisons voisines. Et cela revint tous les soirs durant toute la semaine, de quoi tout le monde, et mêmement monsieur le curé, fut très effrayé. Pourtant le bossu, qui n'était pas bête, voyant qu'il y avait là de la diablerie, et que les exorcismes de monsieur le curé ne pouvaient rien contre des apparences qui n'avaient point de corps, résolut d'attirer les lupins en personne au moyen d'un piège, et dès qu'il fut en état de se lever, il se fit prêter un beau mouton gras qu'il attacha le soir devant sa porte. Puis, ayant prévenu le curé de se tenir là tout près avec son goupillon et tous les voisins de se cacher sous le buisson de son jardin, avec leurs fusils bien chargés de balles bénites, il commença de faire bêler le mouton en lui montrant de la feuille verte placée trop loin de lui pour qu'il pût y toucher. Alors les lupins, entendant cela, ne purent se tenir de quitter leur mur et de venir à petits pas de loup jusqu'en vue de la maison, où ils furent aussi bien reçus qu'ils se sauvèrent tous, sauf une vieille femelle qui reçut une balle dans le cœur et tomba par terre en criant d'une voix humaine « La lune est morte! La lune est morte !» On ne sut jamais ce qu'elle avait voulu dire, sinon qu'elle avait une lune blanche au front et que, dans la bande, elle portait peut-être le nom de la lune. On lui coupa la tête et les pattes, qui ont été vues longtemps clouées sur la porte du cimetière de Saint-Beau, et où jamais les lupins n'ont osé reparaître depuis.